Comme tout le monde, j'ai mes défauts. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Mais si tu lis entre les lignes, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire. Il y a des fortes impressions et je t'aime un peu bouillon. Tu trouveras dans mes chansons. Sa son asifanya si si jua tongo ya ni para ni za unirudie e bayavo ni fanyeche tes blessures soit ma hand me faiblesse de wa y'en a d'autres que t'aimeras bien plus beau plus fort que moi. Je leur laisserai bien sûr la place quand j'en aurai plus dans mes chansons, plus rien à dire en face. Le temps vous endurcit de tout, de tout, de tout.